Chapitre 23. Les secrets du fonctionnement du cerveau. Comprendre d'une façon biologique et psychologique comment notre cerveau fonctionne est une clé pour avancer en même temps sur la spiritualité, sur l'évolution d'une personne, mais en même temps en respectant les règles de la biologie. Il y a des choses que je ne peux pas nier. Une des premières règles de psychologie, c'est d'éviter le déni. Le déni, c'est le fait de refuser quelque chose et de l'effacer de ma mémoire courante, en tout cas, de ma mémoire active, parce que je ne peux pas affronter telle ou telle chose d'une façon émotionnelle. Donc la première démarche, c'est de ne pas rêver au sujet de son cerveau. Comprendre les règles, c'est être capable de dépasser ces règles. On peut contourner les règles, mais on ne peut pas ignorer les règles. Ignorer les règles, c'est de l'ordre du déni. Et le déni va nous amener encore une fois à cette chose dont je parle très souvent, les subpersonnalités. Si je voulais draguer une fille et que cette fille me rejette en me disant que je suis moche ou gros ou vieux ou tout en même temps, je peux dire je m'en fiche complètement, ça me touche pas. Mais en fait, c'est une réaction intellectuelle avec des traumatismes, pas terribles, mais quand même c'est implaisant, c'est blessant. Et la subpersonnalité qui a été vexée, cette petite personnalité qui s'est fait rejeter comme n'importe quoi d'une fille, cette subpersonnalité, elle va se cacher quelque part. Hein. Sub, ça veut dire cacher en dessous, et comme subconscient. Elle va aller se cacher, elle va attendre. Et puis un jour, vous allez peut-être même vous marier avec une autre femme ou rencontrer un club misogyne. Et là, d'un seul coup, ça va être le jour de gloire pour cette subpersonnalité qui forcément est misogyne, qui forcément est blessée d'avoir été rejetée comme rien. Donc le déni amène à une séparation du cerveau. Le chemin de conscience du cerveau, c'est de connaître, de savoir comment nous fonctionnons et d'utiliser ce que nous fonctionnons pour transcender nos capacités grâce à une connaissance de notre matière cérébrale. Notre matière cérébrale. Et comprendre tout cela me permet de contrôler les choses. Le déni amène à la supersonnalité, c'est-à-dire que vous allez effacer quelque chose de votre mémoire vive, mais ceci reste stocké dans votre cerveau et ne fera qu'attendre un jour pour revenir à la surface. Et la subpersonnalité deviendra une personnalité complète, soit ponctuellement pendant quelques heures, soit plusieurs subpersonnalités de frustration, de traumatisme, de peur, de colère, de rage, et ainsi de suite, se regrouperont tout ensemble pour devenir une nouvelle personnalité, pour revenir à la surface et contrôler le véhicule, c'est-à-dire vous-même. Et c'est pour ça que à 20 ans, vous pouvez être super cool, super sympa, et à 30 ans, être un vieux con. Parce que vous avez cumulé une quinzaine de subpersonnalités, plusieurs frustrations, plusieurs peurs, plusieurs traumatismes, et tout cet ensemble de subpersonnalités, c'est-à-dire de personnalités inconscientes créées par tout ce qui vous agresse, vont revenir à la surface et vont prendre le contrôle total. Donc soit une subpersonnalité prend le contrôle de votre vie pendant un certain temps, soit le cumul d'un certain nombre de subpersonnalités prend le contrôle de votre existence, toute votre vie. À partir du moment où vous êtes dans cet état d'être, vous ne contrôlez plus du tout votre vie, mais absolument plus, malgré que vous targuerez d'utiliser votre libre arbitre. Ce n'est qu'une action-réaction. Action-réaction. Tu m'as rejeté, je rejette les femmes. Tu m'as trahi, je trahis telle personne. Je déteste les Arabes parce que c'est un Arabe qui m'a trahi. Même si à ce moment-là, je ne juge pas, je m'en fiche. On a l'impression de se défaire d'une chose, mais il faut comprendre une règle très importante du cerveau. Le cerveau ne supporte pas les paradoxes. Donc il va choisir parce qu'il ne supporte pas les paradoxes. Donc quand on crée un déni, on crée automatiquement un paradoxe. Ce paradoxe fait, le phénomène du paradoxe fait que je vais effacer une information qui me dérange à fonctionner maintenant, mais cette information n'est pas effacée, elle est simplement stockée quelque part, jusqu'au moment où elle prendra le contrôle et elle effacera l'autre aspect du paradoxe, parce que le cerveau n'aime pas le paradoxe. Donc à un moment, je suis entièrement démocratique, pour l'égalité des femmes, et pour l'égalité des Arabes, et pour l'égalité des Noirs, ainsi de suite. Puis je cumule des traumatismes, parce qu'un Noir, un Arabe, une femme, je ne sais pas quoi, un Juif, n'importe qui m'a blessé. Je ne juge pas, mais ça reste en moi. Et un jour, toutes les bonnes existences que j'ai, les bonnes pensées que j'ai, vont être effacées et d'un seul coup, je deviens raciste et misogyne. Les super-personnalités ont basculé et ont repris le contrôle. Et ma bonne personnalité s'efface parce que le cerveau n'aime pas le paradoxe. Ou les paradoxes. Il y a un jeu simple qui nous permet de encore mieux comprendre cette chose-là. Avec tout le système de programmation du cerveau. Si je prends un être humain, déjà pour expliquer oralement, dans mes épaules et mes bras qui sont le long du corps, lorsque je me tiens debout, sont dans le plan frontal. Lorsque je regarde droit devant moi, sans tourner la tête, quand je suis debout, je suis dans le plan sagittal. Il y a l'os frontal et derrière, vous avez le pariétal avec la suture sagittale, parce qu'elle est... Vous pouvez toucher votre crâne, c'est une ligne droite qui va de l'arrière en avant. Une ligne droite. C'est pour ça qu'on appelle le sagittaire, parce qu'il tire une flèche dans le plan sagittal. Alors si j'ai le plan sagittal et le plan frontal, il y a 90% de différence entre les deux plans, à 45 degrés entre les plans, on aura donc le demi-plan sagittal-frontal. Et là, je vais prendre un miroir que je vais poser sur l'arête de mon nez et je vais tourner ce miroir sur l'œil gauche ou sur l'œil droit à 45 degrés, donc dans un demi-plan frontal sagittal. Et grâce à cette position, je vais avoir mon œil droit, par exemple, qui va voir devant moi dans le plan sagittal, mais mon œil gauche, à cause du miroir à 45 degrés devant mon œil, qui va voir sur le côté, dans le plan frontal. Donc je regarde devant moi une personne, mais à gauche, je vois une autre personne. Et si je regarde comme ça, mon cerveau n'aime pas cette situation. Parce que je vois une personne devant moi, une personne sur le côté, je vois deux situations. Il y a deux visions différentes qui arrivent dans mon cerveau au même moment. Et le cerveau n'aime pas ça. Il va réagir d'une telle façon qu'en très peu de temps, la personne sur le côté, qui paraît moins importante, surtout si elle est éloignée à 2, 3, 4 mètres, mon cerveau va l'effacer. C'est-à-dire que, avec les yeux ouverts, je vais voir ce que je vois normalement devant moi avec l'œil droit, et mon cerveau va totalement effacer les informations de l'œil gauche. Le cerveau a ce pouvoir-là, il n'aime pas les paradoxes, donc il va effacer cette personne. Puis à un moment, vous allez demander à cette personne de bouger. Et si cette personne se met à bouger, d'un seul coup, la personne qui est devant vous, vous ne la verrez plus. Vous ne verrez plus que l'œil gauche, que voit l'œil gauche, c'est-à-dire la personne sur le côté, parce qu'elle est en train de bouger, elle attire votre attention. Donc vous allez maintenant voir ce que vous voyez avec l'œil gauche, et l'œil droit ne verra plus rien. Je ne suis pas en train de parler de fermer les yeux. Le cerveau refuse ou dénie, si vous préférez, d'une certaine façon, nie et dénie la vue qui va aller en addition de l'autre vue et qui crée donc un paradoxe pour le cerveau. Le cerveau n'aime pas ça et il va effacer la personne. Si, par contre, nous travaillons maintenant sur la perception d'un visage, qu'est-ce qu'on va voir sur la perception d'un visage ? C'est que nous avons une fantastique capacité de calculer une personne et de reconnaître un visage uniquement sur la position des yeux et la position de la bouche. C'est avec ces éléments particuliers que notre cerveau va calculer une personne qui pourrait être potentiellement agressive à son regard, à sa bouche, à son sourire, à son regard, à la position de ses yeux, etc., etc. C'est aussi comme ça qu'on va reconnaître une personne. Ce sont des éléments clés. D'ailleurs, les smileys d'aujourd'hui, vous y voyez des visages, c'est quand même un rond avec deux trous pour les yeux et un sourire. Ou une tristesse. Et pourtant, tout le monde voit un visage. Parce que ce sont les éléments clés de psychologie pour reconnaître un visage. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les visages. D'une façon inconsciente, bien sûr. Et il y a un truc qui est fantastique à voir. Ça, c'est encore plus fort, ça. Le fait que les personnes disparaissent avec le jeu du miroir, ça demande entre 1 à 3, 4, 5 minutes, ça dépend des personnes. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant que vous pouvez faire, c'est d'avoir quelqu'un qui va se tenir à votre gauche, dans le plan frontal, et qui va être proche. Vous allez vraiment voir le visage. Et vous allez lui demander de ne plus bouger. Vous allez lui demander d'avoir un grand sourire, des yeux bien ouverts, et vous allez regarder ce que vous voulez devant vous. Ça peut être un paysage, ça peut être un mur, ça peut être... Et alors là, le corps va travailler différemment. Il va effacer le visage de la personne, mais il va garder les éléments clés par rapport au protocole de sécurité. Les deux yeux et la bouche. Et au bout d'un moment, vous allez regarder un paysage ou regarder autre chose avec deux yeux et une bouche qui flottent au-dessus de ce paysage. Cette fois-ci, le cerveau a travaillé différemment sur le paradoxe cérébral, c'est-à-dire qu'il va garder les éléments de sécurité. Vous devez garder le contrôle des yeux et de la bouche pour voir comment cette personne évolue. C'est inconscient, c'est un calcul de votre cerveau. Mais vous allez vous concentrer sur la vision en face de vous. Le reste du visage va être effacé, les oreilles, le front, les cheveux, tout le reste va être effacé, parce qu'ils ne sont pas importants par rapport à la sécurité. Donc, par rapport à ça, vous allez voir qu'il y a de nombreuses choses qui existent au devant de votre cerveau qui vont être éliminées pour un protocole biologique, un protocole de sécurité, un protocole de référence. Comprendre comment le cerveau fonctionne, c'est comprendre pour ne pas subir et ne pas transformer, par exemple, le déni à cause du paradoxe en libre arbitre. Il n'y a aucun libre arbitre. C'est comme quand vous dites « Ah, j'utilise mon libre arbitre pour aller me coucher. » Oui, d'une certaine façon, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher parce que vous ne pouvez plus garder les yeux ouverts. Ça n'a rien à voir avec du libre arbitre, c'est biologique. Et il faut apprendre à ne pas confondre des évidences biologiques et le libre arbitre. Par exemple, nous avons besoin de dormir. Par contre, on peut s'intéresser au sommeil polyphasique qui permet de dormir 20 minutes toutes les 3 heures, c'est-à-dire 2h40 éveillé, 20 minutes de sommeil. Et si on s'habitue comme ça, on peut vivre toute sa vie comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, en sommeil polyphasique. Donc, ils dorment environ, je peux compter, 3 heures par nuit, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de nuit pour eux. Que ce soit le jour ou la nuit, hop, ils sont éveillés 2h40, ils vont dormir 20 minutes, et ainsi de suite. Et si vous êtes un chercheur, si vous êtes un écrivain, c'est une façon de vivre qui est extraordinairement efficace, parce que vous avez une super pêche, vous avez un esprit super clair, mais vous dormez que 3 heures par nuit. Donc la nuit, vous êtes éveillé aussi. Vous faites plein de siestes de 20 minutes. Et ça vous apporte en plus l'avantage de vous souvenir parfaitement bien de vos rêves. Donc ça vous amène un état de conscience fantastique, d'éveil. Vous êtes efficace 21 heures par jour, ce qui est loin d'être le cas des autres personnes. Donc vous vivez, grosso modo, deux fois plus que les autres. Si vous avez vécu 20 ans comme ça, vous avez 40 ans, et bien en réalité, vous avez 60 ans d'expérience, pas 40 ans. Encore une fois, en connaissant les règles et en sachant « Ok, j'ai besoin de sommeil, mais je peux dormir différemment en comprenant comment le rêve et le sommeil fonctionnent », eh bien, je peux transcender des choses. Mais je ne peux pas décider « Oh, je ne dors plus ». Donc, les exigences biologiques, on ne peut pas les effacer. On peut les transcender en les connaissant. Comprendre le système du paradoxe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que on peut Par exemple, comprendre, je vais essayer de vous donner un exemple différent. Imaginons que j'ai une copine et que ma copine et moi, notre vie sexuelle est merveilleuse, fantastique. On a des orgasmes et des fantasmes toute la journée. C'est fantastique. Mais des orgasmes divins. Mais je vis dans une société où l'orgasme est nié. Ça n'existe pas. Voilà, l'orgasme n'existe pas, c'est un mensonge. C'est ce qu'on dit, mais moi je rigole parce que je suis avec ma copine et je sais que j'en ai plein des orgasmes. Hein. Et puis un jour, ma copine part. Elle me quitte, quelle que soit la raison. Et je vais beaucoup souffrir. Je me souviens de tout ce que j'ai vécu avec elle, avec mes amis qui me disent « Mais non, c'est pas vrai, les orgasmes n'existent pas. C'est un mensonge, tu l'as inventé. » Au début, vous allez sourire. Et nous savons qu'après un bon matraquage, après 2 ans, vous aurez totalement effacé les souvenirs des orgasmes. Malgré que ça a été dans votre corps que vous sentiez votre ventre se contracter, le plaisir, vos orteils se contracter, tout ça va être effacé de façon à vous mettre en alignement avec la société. Si je suis entouré par des gens qui vont nier quelque chose, je finirai par l'effacer totalement. Un exemple encore plus simple, hein, c'est encore une fois votre copine que vous aimez tant. Elle est super cool, elle est merveilleuse, elle a changé certaines de vos idées. Et vous, vous avez fait pareil avec elle, c'est normal, c'est la vie interactive, intellectuelle de couple. Mais, un jour, elle vous quitte. Peut-être avec votre meilleur copain, comme ça arrive très souvent. Et d'un seul coup, vous changez complètement le profil. Et vous la critiquez, vous la détestez. Cette fille que vous aimiez, cette fille que vous adoriez, cette fille à qui vous pouviez lécher le sexe, à qui vous pouviez écouter des choses pendant des heures et des heures, d'un seul coup, ça devient la dernière des dernières. Alors vous dites, oui, mais ça c'est une réaction de colère. Non, parce que dans environ 2 ans, vous aurez totalement oublié votre amour. Cet amour qui vous ferait tout faire, qui vous ferait mourir si elle mourait dans un accident de voiture. Cet amour, après suffisamment de temps de déni, vous l'aurez totalement, complètement effacé. Mais évidemment, encore une fois, uniquement effacé de la mémoire vive. Alors, une façon d'être plus équilibré, c'est de se souvenir que les gens sont instables, que leur cerveau n'est pas du tout géré. Donc la Corinne qui m'a transporté de joie, de bonheur, d'enthousiasme, elle restera ma copine pour toujours. À un moment, la Corinne, traître, qui a rencontré mon copain, qui a commencé à mentir, à voler de l'argent, à manipuler ainsi, c'est plus la même Corinne. Et cette Corinne-là, oui, je peux la rejeter, la condamner. Mais l'amour et le bonheur que j'ai vécu avec la Corinne merveilleuse qui était ma copine, c'est une Corinne qui m'appartient et qui appartient à mes émotions et à mes mémoires pour toujours. Elle fait de ma vie une vie supérieure. Non pas que Corinne m'appartienne, mais Corinne d'amour m'appartient. Elle fait partie de ma richesse personnelle pour toujours. Cela fait partie de vous pour toujours. De la même façon, c'est ce qui arrive lorsque j'en parlais dans le dernier chapitre par rapport aux gens qui ont vécu une NDE ou une EMI, c'est la même chose, français ou anglais, une expérience de mort rapprochée. Ils ont vécu une expérience mystique merveilleuse, ils ont vécu une révélation de lumière merveilleuse, ça a transcendé leur existence. Je me souviens d'une dame qui disait « Les gens ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de s'endormir ». Or, ils ont tort, c'est ici que l'on dort. Quand on meurt, on s'éveille. Donc, cette femme va s'éveiller au moment de sa mort, si je puis dire, parce qu'elle va découvrir la lumière, la spiritualité, ce bain d'amour fantastique, cette prise de conscience fantastique. Seulement, voilà, être comme ça, c'est un protocole de rejet dans la société, parce que les gens ne sont pas comme ça. Donc vous serez entouré par des « ouais, bah, c'est peut-être ce que t'as cru, tu l'as rêvé, t'as lu trop de livres, t'as peur de la mort ». Ils vont vous faire toute une psychanalyse de dessous. Et à force d'être entouré par des gens comme ça, comme pour l'orgasme, au bout d'un moment, vous aurez oublié. Pourquoi est-ce que vous allez oublier? Parce que vous ne pouvez pas dire, par exemple, à votre copine, « J'ai aimé une salope. » En fait, vous ne comprenez pas. Vous avez aimé un être divin, merveilleux. Et à un moment, pour une raison quelle qu'elle soit, à cause de vous ou à cause d'elle, elle a changé. Vous ne pouvez pas dire « J'ai connu la lumière merveilleuse dans les NDE, mais je veux avoir des amis, je veux être reconnu dans la société, je veux exister. » Ah ben non, parce que soit tu as vécu une NDE merveilleuse, tu es complètement mystique et christique, mais tu n'as pas d'amis. Soit tu as des amis, mais on nie ton état NDE. Donc il va falloir choisir. Et comme la NDE s'est arrivée à un moment et ça ne revient pas, tandis que les amis sont là tous les jours, où les tentatives d'amis sont là tous les jours, la solitude est là tous les jours, au bout d'un moment, je vais effacer, au bout de 2 ans, je vais effacer la mémoire des NDE, je vais effacer la mémoire des orgasmes, je vais effacer la mémoire d'avoir eu un bonheur fantastique avec Corinne ou Christine ou qui vous voulez. Et comme ça, vous revenez à une certaine paix, paix évidemment paradoxale. Parce que votre mémoire vive vous dit une chose, mais la mémoire inconsciente vous dit totalement autre chose. Le procédé de la spiritualité, c'est d'avoir un cerveau uni. C'est d'avoir une compréhension globale unie. Je peux dire clairement, j'ai divinement aimé et j'aime encore Corinne, mais la Corinne qui est devenue la Corinne d'aujourd'hui est mon ennemi et je la rejette totalement, et je la juge négative. Mais j'aime profondément la Corinne de mon amour pour toujours. Et aimer une fille, puis en aimer une autre, puis en aimer une autre, ou un homme, c'est pas du tout paradoxal. Ce sont des expériences positives qui se cumulent. En fait, ce que vous réalisez pas, c'est que pour avoir un look cool et pouvoir dire « Ouais, Corinne, c'est une salope, blablabla. » Vous ne réalisez pas que par ce paradoxe-là, vous êtes sous la pression d'être cool et de gérer, d'avoir des amis, ainsi de suite, vous ne gardez que des souvenirs négatifs, c'est-à-dire des souvenirs qui sont en accord avec la société. L'amour, ça ne fonctionne pas. Ça ne dure pas longtemps. Eh ouais, ce sont toutes des salopes. Et on est reparti. Parce que la société est négative, vous n'êtes même pas autorisé à vous souvenir des choses positives. Vous n'êtes autorisé à vous souvenir que des choses négatives. C'est extraordinaire de voir ça. Et c'est ce que vous allez appeler votre libre arbitre. Alors qu'en fait, ce sont des lois biologiques de paradoxes qui sont effacées dans votre esprit pour ne garder qu'une seule chose qui vous paraisse bien. Mais comme vous ne contrôlez pas cette chose, puisqu'elle se passe à votre insu, alors elle se passe aussi dans votre esprit d'après les critères de société, c'est-à-dire dans des critères négatifs. Trahir, destruction, jalousie, haine, colère, et ainsi de suite. Évidemment, puisque vous nourrissez votre cerveau par les gens qui vous entourent uniquement de ces courants négatifs et que vous ne choisissez que les aspects négatifs sans vous apercevoir dans la loi de paradoxe pour survivre dans cette société négative, vous êtes les bienvenus dans une société négative parce que vous-même, vous êtes négatif. Et vous allez accepter toute la négativité qui est autour de vous. Alors, autre loi, ne jamais juger. C'est un courant spirituel. Oh, il ne faut pas juger. Pourtant, en même temps, c'est encore une fois un paradoxe. Vous jugez perpétuellement. Vous jugez ce que vous pouvez manger, c'est-à-dire vous allez choisir. Vous jugez les gens qui pourraient être vos amis, c'est-à-dire vous allez choisir. Vous jugez le gymnase où vous allez vous entraîner. Celui-là est meilleur qu'un autre, vous avez donc jugé. Donc, le jugement tel qu'il est présenté en vous disant « je ne dois pas juger » veut dire autre chose. Il veut dire « je dois supporter ». Oui. Puisque je ne peux pas juger les plats que je vais manger, je vais donc manger des plats avariés, des plats qui ne me conviennent pas, des plats qui sont mes allergies, et je vais souffrir, je vais être malade. Je vais donc aller dans le gymnase qui n'est pas intéressant. qui est même avec des critères de sécurité très bas, où je vais peut-être me blesser. J'ai donc être ami avec des gens qui vont me voler. Bah oui, puisque je dois juger personne, je dois être ami avec tout le monde. Le non-jugement, c'est le non-choix. Et vous prétendez utiliser votre libre arbitre pour ne pas juger, alors qu'en fait, le non-choix vous oblige à abandonner votre pouvoir du choix, qui est par définition votre libre arbitre. Encore une fois, un paradoxe intellectuel qui vous amène encore à souffrir, encore à subir. Subir, c'est vraiment le mot-clé. Pour beaucoup de gens, je ne suis pas spiritualiste parce que je suis trop sévère. Mes amis, proches, m'ont fait un t-shirt pour se moquer de moi et pour jouer, ce que j'accepte complètement, où il y a marqué en anglais « The answer is » donc la réponse est en tout petit et en énorme « No, N-O ». Parce que quand je dis « non », c'est « non ». Pourquoi est-ce que je dis « non » ? Parce que je ne vais pas subir. Si je subis quelque chose, je le prends, je l'avale. Je ne juge pas le plat, je ne juge pas l'ami, je ne juge pas l'endroit, je ne juge pas la maison. Donc, mon esprit, mon estomac, mon corps est rempli de caca, de noirceur. C'est la même chose sur l'attitude des gens. J'ai un grand pouvoir de dire oui à plein de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin. Parce que j'ai un grand pouvoir de dire non. Maintenant, ça suffit. Maintenant, je refuse. Je donne toujours cette loi que je cite très souvent en disant « Si vous mangez des épinards, vous allez faire caca vert. » Et je raconte toujours que ma fille, quand elle avait 12 ans, environ un jour, je discutais avec des amis, et j'expliquais ça, et ma fille qui était là, elle disait « Oui, ce que dit papa, c'est vrai, j'ai vérifié, c'est bien vert. » Donc c'est confirmé scientifiquement. À chaque fois que vous mangez des erreurs dans vos relations, vous allez faire caca vert. Mais vraiment vert, vert kaki, vous voyez, très sale. Parce que à chaque fois que vous allez accepter quelque chose, vous l'avalez. Vous pouvez partir dans des masturbations intellectuelles en disant « Ah non, mais ça ne me touche pas. » C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que vous oubliez vos NDE. C'est d'ailleurs pour ça que vous niez l'amour que vous avez avec quelqu'un que vous adoriez et que vous haïssez maintenant. Bien sûr que oui, ça vous touche. Et le pouvoir de dire non, c'est le pouvoir de dire non à l'obscurité et le pouvoir de dire oui à la lumière et à l'amour. Et on va toujours vous manipuler en vous disant, si vous êtes avec l'amour, vous ne devez pas juger. Mais si vous ne jugez pas, vous prenez le mal. Quelqu'un vous vole et vous devez accepter. Quelqu'un vous insulte et vous devez accepter. Quelqu'un vous trahit et vous devez accepter. Au jour d'aujourd'hui où je fais ce chapitre, il y a 3 jours, les Palestiniens ont voulu fêter quelque chose, je ne sais même pas quoi. L'armée israélienne est arrivée, ils ont tiré dans le paquet. 60 morts, et selon les informations, 2400 à 2400 blessés par balle. C'est un massacre. Donc moi, quand j'ai visité les camps de concentration en Allemagne, j'avais honte d'être humain. J'ai dit non, bande de pourriture, non. Quand je dis bande de pourriture, je parle des SS et ainsi de suite. Vous avez osé faire ça à des juifs juste parce qu'ils étaient coupables d'être juifs ou d'être témoins de Jéhovah ou d'être homosexuels. Non. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que les juifs, les Israéliens, font aux Palestiniens, je dis non, bande d'ordures, bande de pourriture. Et je suis clair. Apprendre à juger, c'est apprendre à vous protéger pour assimiler de la lumière et ne plus avaler de l'obscurité. Ne pas juger, c'est-à-dire, ça veut dire tout prendre. Et tout prendre, ça veut dire s'habituer aux odeurs les plus nauséabondes, aux émotions les plus nauséabondes. C'est-à-dire faire partie de cette noirceur ambiante. Oubliez votre révélation des NDE. Vous ne pouvez pas vous souvenir de ça. Vous souvenir de ça, c'est trop choquant dans ce monde obscur. Donc il vaut mieux l'oublier. Et c'est pour ça que les gens me trouvent très souvent non spiritualiste, parce que je suis violent, pas violent physiquement. Ça peut arriver en cas de sécurité, mais ce n'est pas mon critère. Mais par contre, je dis non. Je dis non. Quand il y a deux chapitres, il y a ces jeunes qui viennent, musiciens, qui me demandent d'être hébergés, de me poser des questions, je dis oui, vous êtes les bienvenus. Je publie même leur présence dans un chapitre, j'ai rien à cacher, ils sont les bienvenus, ils sont considérés comme des petites stars. Mais si après, ils sont hystériques parce que je leur ai dit que fumer, c'était pas bien et c'est un crime, alors qu'avant, j'étais classé comme un maître à leurs yeux, et maintenant, je suis un dernier des connards parce que je dis qu'il fallait pas fumer. Je dis non, je ne prends pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai publié aussi. Je le rejette. Les gens doivent savoir cette vérité. Je dis non à tous les gens nuages qui veulent venir me faire des leçons. Je leur dis non. Je me suis retrouvé dans des situations avec la communication non violente, qui est une non-communication violente. Hein. C'est tel que c'est compris aujourd'hui dans la plupart des communautés. C'est un contrôle total de la communication. On ne peut parler que dans les cercles de communication non violente. On ne peut parler que quand on a le bâton, et ainsi de suite, etc., etc., etc. Or, je suis quelqu'un de civilisé, et moi, je laisse quelqu'un finir son speech si moi, après, j'ai le droit de parler. Et il m'est arrivé dans certaines communautés de voir des gens qui souffraient énormément par un contrôle total. Ah oui, puisque la moindre conversation se passe dans ce cercle de communication. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient victimes, donc après, je vais les trouver. Je leur dis, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens? Ils disent, ah ben non, on ne peut pas parler. Dans le cercle de communication. Donc, on ne peut plus parler en privé avec quelqu'un. C'est un protocole de non-communication extrêmement violente et de contrôle total. De surcroît, on doit passer par tout un protocole de communication qui vient d'un psychologue qui travaille avec des gens qui sortaient d'opérations, des gens extrêmement faibles. Donc c'est sûr qu'il y a une personne très faible, on ne veut pas lui sortir un truc. Oh, vous avez une mine superbe, c'est ce que je disais à votre future veuve, dites donc, vous avez l'air frais. C'est sûr que vous sortez une réflexion comme ça à quelqu'un qui vient de sortir d'une opération très violente, vous l'approchez à 50-60% de la mort. Mais quand on communique avec des gens, avoir un protocole délirant, avant de pouvoir te parler, je voudrais te dire ces choses positives, mais là quand même... Quand tu as été baisé avec ma copine, j'ai trouvé ça négatif, mais je voulais quand même te dire que quand tu ramasses les pommes de terre, tu fais ça très bien. C'est rentré dans un protocole où la communication n'est plus possible. Donc, quand j'étais invité dans des cercles de communication non violente, en discutant dans des communautés, j'aurais dit non. Nous communiquons sans un protocole délirant. Le psychologue qui a inventé ça, c'est un psychologue dans un contexte particulier qui est totalement sorti de son contexte aujourd'hui. Et de surcroît, moi aussi, je suis psychologue. Donc, vous n'allez pas m'imposer le protocole d'un collègue. On va communiquer normalement. Je refuse. Donc, quand ils veulent me tendre le bâton, je dis non, je ne le prends pas. Je refuse. Nous communiquons en tant qu'êtres humains équilibrés. Donc, bien des gens me trouvent violent. Mais en fait, vous apercevez pas que je suis violent contre le mal. Je suis violent contre le pouvoir. Je suis violent contre la cigarette. Enfin, ce que vous appelez violent, c'est que je dis non. Je suis pas en train de me jeter sur les gens. Je dis non aux gens qui mangent de la viande. C'est clair et net. Je ne veux pas être là et être coupable parce que je suis végétarien ou végétalien. S'il y a des gens qui viennent et qui veulent manger de la viande, dans ma maison, la réponse c'est non. Et si je vais au restaurant avec quelqu'un qui veut se taper un poulet en face de moi, je lui dis, je mange pas avec toi, c'est tout. Ah ouais, mais moi j'ai le droit de manger ce que je veux. J'ai, oui, bien sûr, moi j'ai le droit de manger où je veux. Ciao. Je ne négocie pas. Et ne pas négocier, c'est nécessaire aujourd'hui dans ce monde d'obscurité. Vous devez comprendre que si vous ne développez pas votre esprit guerrier contre le mal, vous devrez développer votre esprit de soumission envers le mal. Maintenant, si vous vivez dans une société parfaite, sur une île merveilleuse, avec des palmiers, la mer, tout le monde est en on joue de la musique, on a plein à manger, on n'a pas besoin de travailler beaucoup, on n'a plus besoin de tout ça. On peut être ouvert à tout. Parce que là, les gens seraient très positifs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Encore une fois, quand j'entends les informations aujourd'hui où on me parle du massacre des Israéliens sur les Palestiniens entre le football et le mariage du prince William et ainsi de suite, c'est une honte. C'est une honte. Et à ceci, je dis non. Je refuse. Et il y a des gens qui m'envoient des lettres, par exemple, sur mon canal pour m'expliquer que j'ai tort parce que la violence, elle est en moi et pas à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est parce que j'étais en colère qu'il y a 2000 personnes qui ont été blessées et 60 morts en Palestine. C'est moi. C'est parce que j'ai mal dormi. Non, quel que soit mon état, cet état de choses-là, ça existe. C'est comme ça. Et à ceci, je dis non. Les gens qui sont là et qui disent « Non, mais ça n'existe pas vraiment, c'est un reflet intérieur. » Je commence à lire une lettre comme ça, je lis une demi-page, une page maximum. Le fois, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre de 4 pages. Après, je m'arrête. Je ne continue pas à avaler ce vomi. J'essaye de lire un petit peu pour voir. Des fois, je saute une page, je dis « Bon, alors, allez, 3 pages plus loin, on en est. » Même chose, hop, ça y est, terminé. Je ne prends pas le vomi de fou délirant. Ma réponse, c'est non. Et vous, dans cette société, vous allez entendre que je dis non. Or, vous devriez entendre que je dis oui à la lumière. Par conséquent, je dis non à l'obscurité. Je dis non à la médiocrité, à la lâcheté. C'est une façon de se protéger. Et je comprends que ce soit très difficile pour vous tous d'entendre ça, parce que vous êtes éduqués à ne pas juger et donc à accepter toute forme d'obscurité. Oh, ben c'est son chemin, c'est son karma, ça ne m'appartient pas de réagir. Mais quand vous ne réagissez pas, vous l'avalez, c'est devant vous, et vous avalez ça. Et quand vous avalez, même la loi a dit non-assistance à personne en danger. Donc ici, c'est non-assistance à personne en danger d'obscurité, vous-même ou les autres. Mais aujourd'hui, la spiritualité, le New Age, auquel je dis non aussi parce que c'est un courant diabolique, le New Age vous a dit « il ne faut pas juger ». Acceptez tout. Subissez, soumettez-vous. Inclinez-vous. Le monde meurt. Il y a grosso modo, quand on fait le calcul, 3,5 milliards d'êtres humains dans le monde qui meurent de faim parce que 80% des ressources mondiales, c'est utilisé uniquement pour manger de la viande. Sans parler des milliards d'êtres vivants, des animaux, qui sont tués, qui sont élevés dans des batteries horribles pour le plaisir de la viande. Sans parler de la pollution, parce qu'aujourd'hui, la plupart de la pollution provient de la viande. Et des cacas, on ne sait pas quoi faire, parce qu'il y a des cacas en production massive, et ainsi de suite. Et j'aurais tort parce que je dis non à la viande. J'aurais tort parce que je dis non à la cigarette. J'aurais tort parce que je dis non à l'alcool. Je dis non à la drogue. J'aurais tort parce que je dis non au New Age. J'aurais tort parce que je dis non aux Israéliens qui ont torturé et qui torturent les Palestiniens pour les éradiquer de la planète de la Terre. Ouais. En fait, c'est exactement ce que Hitler voulait faire aux Juifs. Et ben voilà. Ils l'ont pris, ils l'ont avalé, et maintenant leur subpersonnalité nationale ressort. Moi, je dis que ce que les Israéliens font aux Palestiniens aujourd'hui, c'est le contre-coup de ce que les SS ont fait aux Juifs dans le passé. Puisque nous l'avons subi, nous avons été obligés de nous incliner, de subir et de mourir pour pas mal d'entre nous, un grand nombre d'entre nous, nous avons le droit de faire la même chose aux Palestiniens. Voilà un exemple foudroyant de clarté. Et c'est la même chose à votre niveau personnel. Comprendre cette chose est une clé essentielle pour unir votre cerveau. Votre cerveau qui est quelque chose qui est fait à l'échelle du cosmos, je reviendrai là-dessus. En analysant le cerveau encore plus, on peut comprendre les fantastiques capacités que nous avons. Mais pour ça, il faut déjà comprendre le système de base, les paradoxes qui sont refusés. Prenons un autre exemple. Je fais une promenade sur un chemin de 1 mètre de large. Je fais 10 km. Et pendant 10 km, je ne tombe pas. je suis équilibré, je marche. Puis à un moment, j'arrive devant, je continue le même chemin qui passe à un moment à côté d'une falaise de 1 km de profondeur. Et de l'autre côté, c'est la falaise qui est devant moi. Enfin, sur le côté, à gauche, j'ai la falaise, à droite, j'ai le trou. Mais le chemin fait toujours 1 mètre de large. Alors en même temps, mon cerveau me dit, bah, t'as fait 10 km, tu peux faire les 30 mètres dans cette situation-là, il n'y a aucun problème. Mais j'ai le vertige. Et j'ai peur de tomber. Mais je sais que j'ai aucune raison de tomber parce que mon chemin est stable, et ainsi de suite. Donc, puisque je suis envahi par une peur terrible, mon cerveau va inventer, cette fois-ci, pour éviter le paradoxe de savoir je peux marcher mais j'ai peur du trou, je vais inventer un mensonge que je vais subir moi-même. Par exemple, que le chemin est instable, qu'il y a énormément de vent qui m'attire vers le vide, que quelqu'un d'invisible va me pousser, que le chemin se penche de plus en plus vers le vide. Je vais changer la situation pour justifier ma peur, qui est une peur incohérente, à laquelle je vais essayer de trouver une cohérence à travers un mensonge. Comprendre comment mon cerveau fonctionne, c'est le chemin de liberté. Non pas parce que je vois des choses, mais oh mon Dieu, c'est terrible. Je dois être là et je dois me calmer. Je reconnais que j'ai peur du vide, je vais donc marcher plus du côté de la falaise, le chemin fait 1 mètre de large, je reste calme et tranquille, j'ai fait 10 km et je peux faire cette partie. Je suis calme, centré, harmonieux, je respire profondément et je dépasse cette erreur au lieu de commencer à m'inventer un mensonge pour justifier que j'ai raison d'avoir tort. J'ai raison d'avoir tort. Connaître son cerveau, c'est dépasser toutes les capacités de son cerveau parce qu'on connaît le chemin pour être capable de stimuler son cerveau et d'esquiver tous les pièges intellectuels qui sont légion aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui. Nous avons été éduqués à nous mentir sans arrêt. Or, aller vers la lumière, c'est aller vers la vérité. On ne va pas à la vérité en se mentant à soi-même perpétuellement. Si je reprends par exemple l'histoire du miroir, le jeu du miroir, 45 degrés, angle semi-frontal, sagittal. Quand j'explique cette chose à des gens, je leur dis, voilà, vous êtes limité par ce paradoxe, votre cerveau n'aime pas les paradoxes, a besoin de choisir, ainsi de suite. Quand je fais le jeu simplement comme ça, 100% des gens voient un des deux yeux, enfin la vision d'un des deux yeux disparaître. Si j'explique préalablement pourquoi je le fais, le protocole du paradoxe et du fait qu'on peut effacer tout ce qui va nous gêner, tout le protocole du déni, vous avez 90%, 90% qui vont voir, et 10% qui ne vont pas voir. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben non, moi je continue à voir la personne devant moi et la personne sur le côté. Or, c'est une impossibilité scientifique. Alors, je ne suis pas dans leur tête. Peut-être qu'ils sont tellement stressés et contractés par rapport à cette révélation du déni et de l'élimination de toute chose qui nous dérange, qu'effectivement, ils continuent à voir. Peut-être qu'ils inventent, qu'ils voient parce qu'ils bougent les yeux d'une certaine façon, ils trouvent un truc pour continuer à voir les deux côtés. Le fait est que le fait qu'ils continuent à voir n'est pas du tout la preuve que le paradoxe n'existe pas. C'est la preuve que, comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont contrôlés par le protocole du paradoxe, ils vont créer un paradoxe plus grand que les yeux qui doivent voir deux choses en même temps. Ils vont créer le paradoxe de dire « je suis libre ». Ils vont donc nier le fait que le cerveau choisit quelque chose. Donc c'est une confirmation du paradoxe qu'on fait en test. Pourquoi ? Parce que quand on fait le test sans les informer, 100% voit la chose disparaître. Quand on les informe, on descend à 90%, 10%. Donc encore une fois, la personne est tellement éduquée à avoir un ego merveilleux, une personnalité merveilleuse, être divine, être parfaite, être blablabla, que quand on lui apporte un test scientifique pour lui démontrer, non, tu vas éliminer beaucoup de choses, parce que ton cerveau n'aime pas le paradoxe. Or, nous vivons dans une société paradoxale. On vous parle de luxe, mais où les gens crèvent de faim. où vous tournez pas la tête sur un mendiant tout en versant des larmes sur un film un petit peu triste. C'est une société paradoxale où vous êtes obligé, pour survivre dans ce monde obscur, d'assimiler l'obscurité en choisissant ce qu'il y a de plus sûr. J'ai eu encore une cliente aujourd'hui qui me parlait de choix très paradoxal qu'elle avait. Elle a d'abord choisi une chose, puis elle a choisi complètement le contraire. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a fait progresser d'un choix vers l'autre d'une façon si radicale, alors qu'avant tu voulais rien entendre? Elle me dit, bah, c'est pas difficile, j'ai choisi le plus facile. Puis après, je me suis aperçu que le plus facile, c'est pas un bon choix. Donc maintenant, je choisis le plus difficile parce que c'est un bon choix. Eh bien, ça résume bien l'histoire humaine. Vous êtes éduqué dans un choix de facilité. Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas nous forcer. Je ne veux pas me forcer à m'arrêter de fumer. Je ne veux pas me forcer à me concentrer. Je ne veux pas me forcer à faire des méditations au lever de soleil. Je ne veux pas me forcer à me concentrer. Moi. Qui est présenté d'une façon divine. Hein. La société vous dit, vous êtes parfait. Mais la société, elle vous dit aussi, allez, va travailler, allez, ferme ta gueule, allez, fais ça, allez, vas-y, va te coucher maintenant. Tiens, c'est ça, baisse ta femme, comme ça tu auras des enfants. Allez, vas-y, maintenant, repars travailler. Donc la même société qui vous dit que vous êtes merveilleuse, merveilleux, elle vous traite aussi comme un esclave total. Donc vous êtes déjà dans le paradoxe complet. À un moment, il faut quitter ce chemin pour aller vers un chemin de vérité. Mais ce chemin de vérité, c'est un chemin spartiate. Donc les Spartes, c'était des fascistes aussi, hein, faut être clair, si vous regardez notre société, c'est une société vraiment fasciste. Mais c'était au moins une société efficace. La seule ville de Grèce qui n'avait pas de mur, parce que personne n'osait s'approcher des Spartes. Tellement ils étaient puissants et efficaces. Donc fascistes certes, mais clairs, ils avaient le pouvoir de dire non. Il y a cette fait historique, hein, ça ne vient pas d'un film, où il y a un historien qui parle des Spartes qui vont faire une guerre dans une ville, quelle qu'elle soit, j'ai oublié, en Grèce. Et les Spartes, ils sont allongés sur la plage, ils se détendent, ainsi de suite, cool, relax, il va y avoir une bataille, mais ils s'en fichent complètement. Et puis, à un moment, il y a l'autre armée qui arrive, alors ils forment une ligne, comme ça, même protocole, avec des lances, des boucliers, et ils sont forts et puissants, et ils créent une ligne. Alors les Spartes se lèvent et font la même chose, ils créent une ligne en face. Et l'historien dit, c'est absolument incroyable à voir, parce que vous avez une ligne de perche, de lance, qui tremble du côté de la ville grecque, et l'autre ligne de lance, qui bouge pas d'un millimètre du côté des Spartes. Parce que eux, quand ils ont décidé de se battre, ils se battent. En ceci, je suis spartiate. Quand je dis non, c'est non. Et quand je dis oui, c'est oui. Et même si je dois prendre des risques, même si je dois aller de l'autre côté du monde pour aider quelqu'un, je le ferai. Même si je dois prendre des risques insensés pour défendre une cause, je le ferai. Et si je dois mourir pour défendre une cause, il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup l'image de gladiateur qui meurt à la fin du film pour une cause, pour sauver Rome, pour sauver un gamin, pour sauver la mère du gamin, et ainsi de suite. Et quand il meurt, il se voit partir, repartir vers sa famille qui a été tuée. Et après, il y a cette musique. And now we are free. Et maintenant, nous sommes libres. C'est la vérité. Et je ne veux pas vous mentir en vous disant que aller vers la lumière dans cette société d'obscurité où les gens crèvent de faim, où l'argent contrôle tout, et ainsi de suite, c'est facile. C'est facile en votre fort intérieur si vous êtes clair et spartiate. C'est difficile dans le contexte extérieur. Et c'est pourquoi je pousse les gens, unissez-vous. Les gens de valeur, unissez-vous. Rencontrez-vous, soutenez-vous, donnez-vous des trucs, autant intellectuels que prosaïquement, aidez-vous les uns les autres. Parce que le mal cède de toutes parts. S'AI. Tandis que les gens de lumière, ils sont tous isolés. Et vous devez vous unir. Vous devez vous unir. L'obscurité cède de toutes parts, mais vous, vous cédez de l'autre côté, mais pas avec le même orthographe du verbe céder. Accepter. Vous devez comprendre à l'envers, vous unir en vous-même. Et quand vous vous unissez en vous-même, vous voulez vous unir aux gens de qualité et de valeur pour former une famille puissante de lumière, de valeur supérieure, le futur de l'humanité. Car si nous ne réagissons pas ainsi, il n'y aura aucun futur dans cette humanité. Vous devez être équilibré, stable, capable, efficace. Il ne s'agit pas, parce que vous êtes spirituel, d'être un rebut de la société. Vous n'allez pas vers une fraternité parce que vous êtes incapable de vivre seul. Vous allez vers une fraternité parce que vivre seul, c'est gonflant. Vous allez travailler, faire vos commissions, payer vos factures. C'est totalement inintéressant. Ça ne mène à rien. Donc ça ne vous intéresse pas. Donc, vivre en fraternité, c'est vivre avec des gens qui ont les mêmes capacités que vous, qui sont insatisfaits comme vous, qui veulent s'améliorer encore comme vous, qui veulent apprendre et enseigner comme vous. Tout le monde est professeur, tout le monde est élève. Et vous renforcez un système, un réseau puissant qui vous rend capable d'avoir une meilleure vie, de voyager, d'apprendre, d'étudier, de réaliser des choses et même de survivre quand le monde s'écroulera. Parce qu'au rythme du mensonge de notre existence d'aujourd'hui, tout s'écroulera tôt ou tard. C'est clair. Pour aller plus avant, pour vous expliquer un principe, je vais vous donner une toute petite leçon d'anglais. C'est sur un verbe anglais irrégulier. To bear, bore, born. Si vous avez fait des leçons d'anglais en étant français, peut-être vous connaissez ce verbe. I was born, blablabla. Bla bla. Je suis né, le I was born. En fait, quand on dit ça en anglais, on dit j'ai été porté jusqu'au. C'est l'expression véritablement, on ne dit pas « je suis né », on dit « j'ai été porté ». Donc on ne dit pas « jusqu'à telle date », mais ça sous-entend ça. « J'ai été porté jusqu'au 10 juillet, blablabla. Je suis né le 10 juillet. I was born. » Et « to bear », c'est donc « porter » ou « supporter ». « I cannot bear that », je ne peux pas supporter ça. « I can't bear it ». Je ne peux pas le supporter. I can't bear it. Et en fait, vous devez comprendre une chose. Sur ce verbe, on peut vraiment regrouper tout. Soit vous supportez les choses, to bear, vous supportez les choses, ou vous renaissez à une nouvelle vie, to be reborn. Reborn, c'est renaître. Donc, sur le même verbe, soit vous supportez, soit vous renaissez à une vie. Et quand vous renaissez à une vie, c'est une renaissance vers la lumière, vers le pouvoir, vers l'amour, vers la compassion, vers la compréhension. Et pour ça, il faut développer ce pouvoir de dire non, pour développer ce pouvoir de dire oui. Oui à l'amour, oui à la lumière, oui à la vérité, oui à la fraternité. Dans le dernier chapitre, j'ai parlé de l'ordinateur classique et de l'ordinateur quantique. L'ordinateur classique, évidemment, est très efficace et notre cerveau est fantastiquement efficace. Nous parlons peut-être plusieurs langues, nous sommes ingénieurs en ceci, docteurs en cela. Mais en même temps, on est complètement contrôlé. Un égyptologue, j'ai parlé avec bien d'égyptologistes, me disent « Non mais ce qu'on dit sur les pyramides, c'est complètement bidon. » Mais le problème, c'est que l'autorité dit ça. Si on dit le contraire, on n'a plus aucun soutien financier. On ne pourra plus enseigner dans une faculté, on ne pourra plus avoir de mission en Égypte ou dans d'autres pays, on est mort, on peut ouvrir une pizzeria. Donc, on a beau connaître ce qu'on connaît, on a beau savoir que c'est complètement stupide, on doit complètement protéger le protocole, parce que le protocole veut dire ce qui nous paye, ce qui nous protège. Donc on peut être très intelligent, mais très stupide en même temps. Si on prend maintenant le cerveau quantique, ce cerveau qui apparaît dans toute sa magnificence au moment où notre forme intellectuelle basique se retire, soit parce que notre cœur ne pompe plus, soit parce qu'on est dans un traumatisme profond, soit parce qu'on est dans une méditation absolue, donc on a arrêté totalement le système classique de pensée, d'un seul coup, on rentre dans ce cerveau, cet ordinateur quantique. On est capable de connaître des choses qui sont très loin de nous. On est capable d'avoir des illuminations. On est capable de faire de la télépathie, de souvenir de ses vies passées. On est capable de sentir ce que l'autre ressent. On est capable de comprendre le système du cosmos. On est capable d'un amour infini, d'une compréhension totale, d'une pureté absolue. Alors pourquoi vous avez tout ça? Pourquoi vous n'avez pas tout ça? Est-ce que c'est votre libre arbitre? Vous avez décidé de vivre avec un cerveau quantique qui tourne à 1% ou 0,1%? Vous avez décidé ça avec votre libre arbitre? Non, bien sûr que non. Toutes ces subpersonnalités, tous ces paradoxes, toutes ces contradictions, tous ces dénis bloquent le système pour survivre dans un système très simple d'ordinateurs classiques. Les ordinateurs classiques d'aujourd'hui ne sont que le reflet de notre façon de penser. Efficace, mais très limité en même temps. Si vous prenez un ordinateur extraordinairement sophistiqué, que vous demandez un calcul fantastique, et que la réponse est 46, comme dans le Hitchhiker of the Galaxy, c'est un 46 ou 52, je ne sais pas. Et imaginons que ce soit 46, pommes de terre. Ben voilà, l'ordinateur, il était capable de faire des calculs cosmiques, mais il n'a pas le programme de base pour écrire pommes de terre. Donc il ne peut pas donner la réponse. Ça, c'est le principe de l'ordinateur de base, qui peut être très efficace, mais en même temps extrêmement, extrêmement limité. Totalement limité. Vous avez donc décidé de vivre sur ce principe ultra limité. Vous avez décidé, avec votre libre arbitre, de ne pas être une personne rayonnante avec un ordinateur quantique capable de tout. Bien sûr que non, vous n'avez pas décidé tout ça. Votre limitation intellectuelle sont les conséquences de toutes ces obscurités que vous avez dû subir et accepter. To bear, to accept, to supporter. Si vous aviez le pouvoir de dire non à l'obscurité et le pouvoir de dire oui à la lumière, c'est mon ordinateur qui parle. Tout parle chez moi puisque je suis aveugle. Donc, j'utilise des choses sonores. Donc, si vous avez le pouvoir de dire oui à la lumière et non à l'obscurité, vous avancez à grands pas vers cet ordinateur quantique, vers cette radiation de cohérence, de paix, de lumière et de vérité. Ces capacités qui vous permettent de comprendre le cosmos, les anges, les extraterrestres. Quand j'entends le paradoxe de Fermi, par exemple, hein, le paradoxe de Fermi, c'est un autre paradoxe qui dit « Oui, alors théoriquement, il y a plein d'extraterrestres dans l'espace, la vie fourmille de partout. Fermi, peut-être, paradoxe de Fermi, j'ai oublié son nom. Mais en même temps, on n'a jamais rien. Donc là, c'est un paradoxe et ça prouve bien qu'il n'y a pas autant de vie. Mais on oublie un truc terriblement arrogant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres qui voyagent dans le cosmos qui aient envie de parler à des gens comme nous, débiles, menteurs, arrogants, destructeurs. Nous sommes un cancer du cosmos, jusqu'à ce qu'on évolue vers quelque chose de meilleur. Nous sommes un cancer du cosmos. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'extraterrestres qui ont envie de parler à un cancer destructeur, vicieux, menteur. Et le paradoxe de Fermi, ah, il a oublié ce petit détail. Eh bien, pour ça, mais il ne faut pas se cracher dessus, hein, faut s'adorer. Nous sommes des êtres qui méritons le contact avec des gens qui voyagent dans l'espace à des vitesses extraordinaires, qui ont développé une technologie infiniment supérieure à la nôtre et tout. Nous sommes tellement intéressants que nous méritons de discuter avec eux. Donc, s'ils ne nous contactent pas, hop, paradoxe de Fermi. Ah, normalement, on devrait avoir plein de contacts, on n'en a pas. On a quand même oublié un petit détail. Les gens ont décidé d'être débiles à ce point-là? Non, ils n'ont pas décidé. C'est une conséquence de cette vague d'obscur, de violence, de mensonges, d'incohérence que vous avalez tous les jours. Et votre cerveau est obligé de se refermer de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Que croyez-vous qu'il vous arriverait si vous disiez que vous voyez des fantômes sans arrêt? ou des entités sans arrêt. La plupart des gens, ils ne vous parlent plus. Et la plupart des gens qui voudront encore vous parler, ce sont des barges qui patinent complètement dans la choucroute. Donc au bout d'un moment, vous finirez par dire « Non, je vois rien ». Moi, c'est ce que j'ai développé. J'ai appris à voir des choses fantastiques, à percevoir des choses fantastiques. J'ai vu qu'étaient attirées auprès de moi que des barges complets. Et donc, j'ai complètement fermé ça. La seule différence, c'est que je ne l'ai pas fermé en moi. J'ai juste appris à le percevoir sans jamais remarquer quoi que ce soit. Un jour, j'étais avec une fille qui me disait « Tiens, là, il y avait un fantôme, tiens, il y avait un esprit. » Quand tu as fait telle conférence, il y avait un fantôme sur le côté. Je dis « Waouh, bravo, excellent, dis donc, tu perçois bien, excellent. » Et en fait, au bout d'un an, je me suis aperçu qu'elle me blousait, parce qu'en fait, c'était une experte de PNL. Donc, elle était capable de voir avec micro-informations que j'étais attiré par telle chose ou telle chose. Donc, au début, j'ai cru qu'elle percevait, puis au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'elle m'utilisait. Et à un moment, il y avait un fantôme dans une pièce, et je lui ai dit, tiens, tu veux bien aller là pour voir. Et j'ai fait 2 ou 3 expériences comme ça, et jamais elle est revenue en disant, ah ben, j'ai perçu ça ou ça, parce que là, elle ne pouvait plus regarder comment je réagissais quand j'étais dans la pièce. Donc j'ai appris, pas parfaitement comme vous l'entendez, mais j'ai appris à cacher complètement. Et j'ai appris à cacher complètement parce que c'était nécessaire dans cette société. Quand les gens ne sont pas samouraïs comme moi, eh bien au lieu de le cacher aux autres, ils se le cachent à eux-mêmes. C'est la seule façon de survivre. C'est la seule façon de survivre. En Russie, il y a longtemps, il y a un test qui a été fait, absolument horrible, avec des enfants qui étaient éduqués par des parents qui niaient l'existence des fourmis. Et s'arrangeait pour qu'il y ait des fourmis dans la maison, de temps en temps. Et quand les gamins disaient « Mais là, il y a une fourmi, il y a un... » Les parents disaient « Non, il n'y a rien du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. » Ils réagissaient vraiment. Et au bout de 3 ans environ, les enfants ne voyaient plus les fourmis. Ils ne les voyaient plus du tout. C'était devenu invisible. C'est la condition pour survivre et pour être aimé par mes parents. Puisque les fourmis n'existent pas, je ne les vois pas. Donc ce n'est pas un choix, le libre arbitre. Ce n'est pas une expression du libre arbitre que d'avoir un ordinateur classique, simple et limité. Si vous n'avez pas accès à votre illumination, à votre cerveau véritable, à votre ordinateur quantique, c'est une conséquence de tout ce que vous subissez sans avoir le pouvoir de dire non. Et pourtant, la spiritualité d'aujourd'hui vous dira « tu ne dois pas juger ». Je juge que si tu juges, c'est mal. Et évidemment, bien entendu. Quitter le groupe, quitter la masse. Quand on comprend que nous avons un cerveau grégaire, c'est-à-dire que nous avons besoin de la masse pour nous sentir rassurés, et qu'il est très difficile, quand on regarde la pyramide de Maslow, par exemple, en psychologie, vous pouvez regarder ça, analyser ça. Je l'ai même moi-même analysé dans mon canal aussi, d'une façon un peu plus avancée, mais en gros, je dis à peu près la même chose, sauf que je vais plus haut dans l'élévation. Plus on part vers une élite intellectuelle, une liberté intellectuelle, un cerveau quantique, et c'est sûr qu'on est de plus en plus seul. Et c'est vrai qu'encore une fois, ici, ça crée une peur de base, parce qu'on a peur d'être éloigné des autres. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que quand on devient puissant, on apprécie d'avoir quelques amis, mais on n'a plus besoin d'une grosse masse de sécurité, une grosse masse noire et stupide de sécurité. On a besoin de quelques amis d'élite, d'une fraternité, d'une essence comme celle-ci. Et si vous prenez le médecin, j'ai oublié son nom, qui a créé les Alcooliques Anonymes, Association des Alcooliques Anonymes, ce monsieur, il a créé quelque chose d'extrêmement intelligent, extrêmement efficace aussi. Pourquoi ? Parce que quand on arrête de boire, on a une addiction, une drogue, une dépendance, voilà, une dépendance biologique, évidemment. Mais on a aussi une dépendance fraternelle. Quand vous êtes alcoolique, vous avez des amis alcooliques, vous les reconnaissez tout de suite dans la rue. Un alcoolique reconnaît tout de suite un autre alcoolique, mais immédiatement, c'est époustouflant. C'est comme s'ils avaient une espèce de lumière rouge sur le front que tout le monde voit, enfin tous les alcooliques voient. Vous, peut-être pas, mais les alcooliques, entre eux, ils se reconnaissent immédiatement. Devenir sobre, c'est perdre cette fraternité. Donc, les alcooliques anonymes, ils se retrouvent régulièrement. Quand vous décidez de ne plus boire et que vous faites partie de l'association des alcooliques anonymes, vous avez une véritable fraternité. Vous avez des rencontres un peu partout dans tous les pays du monde. Dès que vous vous sentez mal, vous pouvez aller dans un nouveau groupe, vous êtes accueilli à bras ouverts, et ainsi de suite. Donc l'homme qui a créé tout ça, il a compris qu'il y avait deux problèmes. Le problème de quitter l'alcool, mais aussi le problème de quitter tout un groupe de soutien entre alcooliques. On serre les coudes et on serre les bouteilles. Et créer un autre groupe avec une nouvelle fraternité, c'est enlever 50% du problème des alcooliques. Et ça, c'est fantastiquement intelligent. Et pour ça, c'est de comprendre que quand vous vous élevez vers une certaine liberté, vous devez rechercher des gens qui ont cette même liberté. Sinon, vous aurez deux problèmes à assumer. Nettoyez votre esprit et affrontez la solitude. Et ça, c'est trop pour vous. Donc, il vous faudra, devant ce paradoxe, accepter l'obscurité pour continuer à être entouré par des amis obscurs qui seront les premiers à vous trahir. C'est un contrat, l'obscurité. Mais ça ne fait rien. En instinct, vous vous sentez rassuré. N'oublions pas que le zèbre qui est rejeté des autres parce qu'il n'a pas la bonne couleur ou pas la bonne odeur, ce sera le premier zèbre à être dévoré par le lion. Donc, notre instinct de base dit « séparé, je suis faible ». Alors, ne soyez pas séparés. Je ne refuse pas les gens. Je n'ai pas non plus une fraternité. Il y a un petit groupe qui travaille avec moi. On voyage dans différents pays, on s'éclate, on s'amuse et on cumule nos capacités. Chacun est professeur et élève. Mais je ne suis pas le seul. Je ne fais pas de la pub pour moi. Il y a certainement des groupes qui existent qui sont clairs. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de sectes qui se sont développées et qui utilisent le prétexte de la lumière pour vous attirer dans encore plus de soumission et encore plus d'obscurité. Alors le critère, c'est de jamais aller vers un groupe parce que c'est trop difficile de vivre dans la société. Vous allez vers un groupe parce que vivre dans la société, c'est chiant. Ça ne vous apporte pas grand-chose et vous voulez plus. Et vous n'allez pas vous protéger dans un groupe. Vous allez dynamiser ce groupe vous-même avec des gens qui sont dynamiques. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire quand il faut faire pipi, quand il faut faire caca, quand il faut se moucher, ainsi de suite, alors c'est clair que votre chemin n'est que la conséquence cette fois-ci de la soumission de la société qui vous a tellement soumis que vous n'êtes même plus adapté à cette soumission. Alors il faut vous aller dans un groupe qui va vous soumettre encore plus pour vous protéger encore plus. Et ça, c'est dans le chemin de l'obscurité. Soyez dynamique, existez, fier de vous, soyez cohérent, logique, humble. Ah bah oui, quand je fume, c'est pas clair. Ah bah oui, quand je fais ça, c'est pas clair. Ah bah oui, j'avais promis de faire ça, et je l'ai pas fait, je me suis dégonflé, c'est pas clair. Découvrez ce que vous pouvez faire avec force et gloire et sécurité et soyez enthousiaste de toutes les choses que vous pouvez faire et soyez humble devant vos erreurs. Je prends mes erreurs du passé comme trésors d'évolution pour mon futur. Il y a dans le cosmos la source de bonté. Certains l'appelleront Dieu, Dao, quelque autre nom mystique, ça n'a aucune importance, le nom. Ein Sof Ao chez les Hébreux. Ein Sof, Ein, Hashem. Il y a tellement de noms. Ce qui importe, c'est de comprendre que c'est une source de bonté et que nous sommes tous lié à cette source de bonté. Nous sommes tous unis dans cet ordinateur quantique. Nous sommes un ordinateur quantique faisant partie d'un réseau d'ordinateurs quantiques, d'une connaissance et d'une capacité infinie, merveilleuse, fantastique. Et nous devons comprendre que tout est fait pour nous interdire de voir, de nous intéresser, de regarder, de comprendre. Quand on prend les crop circles, qui sont des manifestations évidentes, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je m'étais payé une fortune pour faire travailler là-dessus. Une preuve évidente d'une intelligence extraterrestre. On va vous baratiner en disant, il y a des gens qui ont fait ça avec des bouts de bois. C'est d'une impossibilité scientifique totale. Il y a des. Le blé est courbé sans être cassé. Les tulipes qui sont au milieu du blé ne sont pas courbées. Le blé continue à pousser vertical, pas vers la lumière. C'est une suite d'impossibilités scientifiques. Et on va vous présenter n'importe quoi pour faire douter. Plus de 10 000 crop circles enregistrés dans le monde avec des certitudes absolues de manifestations extraterrestres. 10 000 crop circles. Et pourtant, les gens écoutent l'histoire du football ou le mariage de William, mais rien d'autre. C'est tout. Comme c'est attirant, comme c'est terrifiant. Quand on prend les NDE, les gens qui ont vécu ces rencontres avec la lumière en s'approchant de la mort, nous parlons de 280 millions de personnes, c'est-à-dire que nous parlons de 4% de la population mondiale. En d'autres termes, statistiquement parlant, à chaque fois que vous avez un groupe de 25 personnes, c'est quand même pas beaucoup, hein, 25 personnes, vous avez une personne dans le groupe qui a vécu une NDE. Et pourtant, à part quelques reportages et quelques livres pour se faire de l'argent, est-ce que les NDE ont changé le profil de l'humanité? Pourtant, ils savent la vérité. Comment as-tu aimé? Et ils continuent à ne pas aimer, ils continuent à haïr, ils continuent à mentir pour pouvoir être acceptés dans un groupe de menteurs, de violeurs, de tueurs. Vous vous rendez compte qu'à quel point avancer vers la lumière, ce n'est pas très difficile, parce que nous sommes des êtres de lumière. C'est un peu comme l'enfant loup qui marchait à quatre pattes, à qui on a appris à marcher sur deux pattes. Il l'a fait très rapidement, parce que notre corps est structuré pour ça. Nous sommes structurés pour être des êtres de lumière. Aller vers la lumière, c'est très facile. Nous avons envie d'aimer, nous avons envie de méditer, nous avons envie d'être en paix, nous avons envie d'être serein. Non, ce qui est très difficile, c'est pas d'avancer vers la lumière, ce qui est très difficile, c'est de quitter l'obscurité. C'est de quitter ce pouvoir absolu de peur, de terreur, de chantage, de soumission. On vous traite en esclave et on vous dit que vous êtes merveilleux. Et les gens qui se font protecteurs de ce système, c'est ce que moi j'appelle les protecteurs du fouet ou les gardiens du fouet. Vous avez été fouetté à coups de mensonges et de manipulations et de destruction jusqu'à devenir petit, médiocre, vil, peureux. Et une fois que vous avez pris ça, vous prétendez être merveilleux et fantastique. Et vous vous faites les protecteurs du fouet. Et toute personne qui se permettra, comme moi, de critiquer le fouet, sera un être diabolique. Et regarde ce que je fais. C'est pas difficile. Vous pouvez regarder simplement les visions, les clics, je veux dire, sur Internet. Vous qui m'écoutez, combien de personnes sont venues écouter mes films ? 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes au grand maximum, pour la plupart du temps. Par contre, si vous faites un film sur les petits chatons ou sur les trucs débiles, vous aurez des millions de clics, des millions de visions. J'ai vu, je suis en contact actuellement avec un monsieur qui s'appelle Vincent et qui a un canal très chouette pour protéger les SDF. Donc son travail est fantastique. Hein. Il a un canal depuis un an et demi à peu près. Il a près de 30 000 abonnés. Et il a eu des films avec 100 000 vues. Mais, pour bien comprendre le travail, c'est que ces films, il invite des gens à être plus généreux avec des SDF. Avec des mendiants. Qui pourra dire ouvertement « Non, on peut les laisser crever ». Donc, sur Internet, tout le monde va être d'accord avec ce Vincent. Maintenant, j'ai vu aussi quelque chose de très intéressant. Vincent, il a fait un film avec un mendiant qui s'appelle Didier. Un type qui a l'air pas mal. Je parle du SDF. qui a l'air pas mal dans ses baskets. Il n'est pas parfait. Moi, je trouve qu'il est pas mal équilibré. Il répond bien. Il a de l'humour. Il est présent. Quand on pense les conditions dans lesquelles il vit, bravo. Bravo. Et à un moment, c'est intéressant parce qu'il y a ce Vincent. Il revient après un film et il dit, voilà, le film que j'ai fait sur toi. Vincent, il a fait un film très sympa où il va faire ses commissions. Et il prête sa carte bleue à Didier. Il dit, voilà, je viens avec toi, mais t'achètes ce que tu veux. Tu fais le plein de commissions. Et Didier, il est là, tu rigoles, tu te fous de moi. Non, c'est vrai, c'est pour... Allez, d'accord, allez, on y va. C'est très mignon comme film. Et en plus, le type, il est généreux, il fait un truc super cool. Donc, 100 000 vues. Et après, il va voir son ami, Didier, le SDF, et lui dit, bah, ça a dû changer ta vie, hein, parce qu'en plus, je dis ouvertement, où est-ce que t'es, tout le monde sait que t'es à Marseille, tu dois être une star maintenant. Et là, on voit, lui, il dit, non, moi, ça n'a rien changé, il y a peut-être deux ou trois personnes qui les ont trouvées en me disant qu'ils m'avaient vu sur Internet, c'est tout. Résultat des courses, dans le concret, par le public, pour Didier, rien. Tout ça pour expliquer que regarder des choses sur Internet avec quelqu'un comme Vincent qui fait un truc courageux et qui ne peut que faire vibrer la corde sensible des internautes qui ne feront rien au-delà de ça, si ce n'est regarder des films et parfois mettre un like, là on a plein d'abonnés. Écoutez Iggy qui dit la vérité sur la psychologie humaine, sur la peur, sur la terreur, sur l'endoctrinement, sur la violence, et ainsi de suite, ça, on ne peut pas. Parce que écouter, ça nous est insupportable. Entendre la vérité, ça nous est insupportable. Ah oui ? Donc vous avez choisi avec votre libre arbitre de rester dans le mensonge, de rester dans le football, de rester dans ces choses débiles. Vous avez vraiment choisi ça. Vous avez choisi de ne pas avoir de l'énergie, de ne pas magnétiser, de ne pas vous concentrer, de ne pas être capable de ressentir, d'être nourri par la lumière, par cette source de bonté, de ne pas être en contact avec l'essence même de cette force divine de bonté, d'amour. Vous avez décidé de ne pas agir, d'être lâche, d'avoir honte de votre vie. Les gens me disent, mais j'aime ma vie. Et je leur dis, mais c'est vrai, alors pourquoi est-ce que tu vas voir des films qui racontent pas du tout ton style de vie? Pourquoi tu vas voir des films qui parle de vengeurs, de héros, de Zorro, des Avengers, Iron Man. Pourquoi tu vas voir des aventures comme ça, alors que tu dis que tu aimes ta vie, parce que ta vie, c'est pas du tout ça, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ces films-là, parce que ça me fait rêver. Mais il y a plein de gens qui me disent, Iggy, ta vie, t'es un vrai Jedi. T'es un maître Jedi, t'es un espèce de Daredevil, d'Ardeville, qui voit sans les yeux, t'es un super-héros, toi. Alors, je suis peut-être pas aussi super qu'il le pense, mais j'ai une vie qui est, à la nuit de mes capacités physiques, en voyant pas, je suis quand même un peu limité, dans l'essence même de ce que j'aime aller voir au cinéma, parce que c'est, oui, moi je veux être ça. Moi, je travaille pour ça. Mais comment est-ce que on est content d'une vie médiocre, d'une vie de lâcheté, de faiblesse, de mensonge, de médiocrité, de qu'en dira-t-on, de déni, de refus, de paradoxe, et ainsi de suite. Mais on adore aller voir des films avec des gens qui se battent, qui sont courageux, qui sont forts, et ainsi de suite. Comment vous expliquez tout ça? Moi, je ne comprends pas, là. Et encore une fois, vous découvrez vos paradoxes. Encore une fois, vous découvrez que ce que vous appelez le libre arbitre, ce n'est pas du libre arbitre, mais de la soumission. Je répète, ça vient du mot « soum » en hébreu qui veut dire « aveugle ». Et la valeur numérique du mot, puisque tout mot hébreu a une valeur numérique par ses lettres, c'est 666. La bête, le chiffre de la bête, le pouvoir de la soumission. Argent, soumission à la force massive pour ne pas s'éveiller vers la lumière, son opposé. Il y a une source de bonté qui est en vous et à votre disposition. Il y a une source de bonté qui est toute bonté pour vous-même et qui, une fois qu'il est en vous, vous transformera en bonté absolue pour les autres. Quand vous êtes en communication avec cette source de bonté, si vous êtes un prétendu médium, que vous pouvez être en contact avec les fantômes, avec les entités trucs machin et trucs bidule, ces entités, elles vous ont dit « aime, protège, dresse-toi contre les mensonges ». Si vous êtes médium, vous avez accès aux vérités, les vérités politiques, à ce qui se passe, à la pollution, à ce que fait Monsanto, à ce que font les Israéliens en Israël, à, vous savez encore plus, aux guerres qui se préparent. Donc vous êtes là, et si vous êtes médium, vous êtes un révolutionnaire, vous criez au monde, il faut se dresser, il y a des choses terribles qui se passent. Eh ben non. Vous êtes médium, même si vous êtes capable de percevoir certaines petites choses, vous gardez bien dans votre conditionnement de voir la vérité plus générale. Et on verra jamais un médium qui fait un livre sur les révélations du monde, sur ce qui se prépare. Jamais. Si vous êtes en contact avec cette source de bonté, vous êtes un révolutionnaire, vous êtes un protecteur, vous êtes un être aimant. Vous dites la vérité et vous agissez avec gloire et générosité, fraternité et humilité. Vous devenez un Zorro de la vérité. Vous combattez le mal, le mensonge, et vous protégez les faibles et les opprimés, jusqu'à ce que eux-mêmes deviennent des Zorro. Développez le protocole du masque de Zorro. Enseignez à d'autres à être des Zorro, à être des V de vendetta. Enseignez-vous les choses de liberté. Poussez les uns les autres à être vrais, à être honnêtes. Et vous vivrez en paix et vous mourrez en paix. Quel luxe, quelle gloire, quel avènement pour votre existence. Une unité parfaite qui vous fera vivre dans le même état de conscience, en état de vie ou en état de mort, car en fait ces états-là ne sont que accessoires et n'ont aucune importance avec ce que vous êtes en essence d'âme. Source de bonté et de lumière et de vérité.